Et ton expositeur. Non. J'ai eu beau parler vite. Alors, j'en étais, n'est-ce pas? Trouver le même canal, c'est autre chose. Bref, on en était à l'idée que le temps était une chose aussi tangible que l'espace et qu'on peut se déplacer dans l'espace, puis que présentement, étant donné qu'on a des... Notre véhicule contrôle bien nos déplacements spatials. On peut aller à gauche, à droite, revenir, repartir. Au niveau du temps, c'est la même chose, mais la conscience humaine n'a pas l'idée que le temps est quelque chose qu'on peut contrôler dans le terme de déplacement. De ce fait, il regrette le passé, il espère l'avenir, alors qu'on peut aller dans un paquet d'avenir, plein d'avenir différents possibles. Il n'y a pas une seule direction au niveau du temps, comme il n'y a pas une seule direction au niveau de la matière. Maintenant, l'humain, sur son roulis roulant, s'en va dans une direction, et la direction, elle est changée régulièrement à travers les interactions entre chaque roulis roulant et chaque être humain. Fait qu'on s'en va tous dans des futurs possibles. L'humain peut les choisir. L'humain ne les choisit pas parce que l'humain n'ose pas débarquer du roulis roulant. Il aura l'impression qu'il ne vit plus. L'être humain doit, et c'est ce qu'il va faire de plus en plus, c'est conscientiser effectivement que quand on parle de v'là 2000 ans, on parle d'un autre lieu dans le temps. Alors, à un moment donné, j'amènerai les mots qu'il faut, parce qu'il faut qu'on mette de nouveaux mots dans la langue. Pour parler, ce n'est pas un lieu. Donc, mais c'est un autre, c'est pas hier non plus, parce que les mots hier, demain, sont tellement colorés que l'humain n'a pas l'impression qu'il peut se diriger vers ça. Comme toi aujourd'hui, en une heure, peux-tu aller demain? Présentement, non. Bon, puis en une heure, peux-tu aller hier? Oh, même en 20 millions d'années, tu ne peux pas aller hier. Parce que l'humain ne se déplace pas dans le temps actuellement, il n'a pas le concept du temps. Ça veut dire que, étant donné que l'humain base toutes ses théories, ses explications de l'univers, ses cosmologies, ses cosmogonies, sur l'idée linéaire du temps, le temps, il n'y a pas de volume au temps, c'est-à-dire que l'avenir, il est là, le passé, il est là, puis c'est ça, le passé n'est pas changeable, il n'y a pas d'autre passé, c'est une illusion. Puis là, l'avenir, il est là, et l'humain se déplace comme ça. Et ça crée un paquet de problèmes au niveau de sa psychologie, de sa conscience, parce que continuellement, il a l'impression d'avoir de l'espace dans l'espace. Il peut aller à gauche, à droite, etc. Il peut déménager, changer de pays, il peut revenir où il était. Alors qu'il est convaincu qu'il n'a pas de mouvement possible dans le temps, sauf le mouvement du roulis roulant, dans une direction qu'il ne contrôle pas et qu'il ne connaît pas, avec une vision de d'où ce qui vient. Il marche un peu comme sur un cheval assis à l'envers. Il ne voit pas où ce qui va, mais il voit maudit de d'où ce qui vient. Bon. Est-ce qu'il est sur une traque? Est-ce que son roulis roulant est sur une traque? Je ne sais pas comment dire. Ben, c'est la même chose. Il est sur une voie. Il ne peut pas dévier. Sauf que le roulis roulant est sur un rail, mais lui peut descendre du roulis roulant. Il pourrait embarquer sur un paquet de roulis roulants. Mais pour faire ça, il faut qu'il ait le taux vibratoire suffisamment haut pour savoir où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il va aller. Disons, pour t'obstiner un peu, pour faire ça, il faut qu'il cesse d'avoir le taux vibratoire suffisamment bas. Oui, c'est ça. Bon. On s'obstine, moi, d'accord. C'est humain, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain va garder comme principe, continuellement, alors, si on juxtapose le temps et l'espace, l'humain pense qu'il a été créé dans le passé, qu'il vit actuellement et qu'il va s'en sortir dans l'avenir. De mon crayon, on veut pas assez typique. Je parle d'avenir, gars. Bon, c'est vrai. Le passé, je sais pas si ça marche. L'avenir, plus ça marche, putain. Cœur à un crayon plus émancipé. Bon. Plus futuriste. Ouais, mais quand je parle de futur, il ne faut pas écrire. Quand je parle de passé, il va l'organiser. C'est là. Ça. Bon, futur. C'est crayon de genre. Non, c'est moins pire, ça va. C'est crayon de genre. Ce qui est donc important, c'est que tout ce qui est conceptualisé par l'humain, donc ta question de tout à l'heure et d'autres choses, va être sur la mort, par exemple, est basé sur l'idée que, bon, ici, tu as un corps physique, ici, le corps t'abandonne. Ici, théoriquement, tu réincarnes, tu as un corps physique, ici, le corps t'abandonne et on continue comme ça. Merci. Voilà. Voilà, on va faire. faire un test. Futur. Ça marche. Passé. C'est bon. Présent. Okay. Présent. Ça va. Ça va. On peut écrire. Que va-t-il m'arriver demain? Que veux-tu qu'il t'arrive? Puis, vas-y. Ça, c'est tellement plus plaisant. Mais c'est ça aussi qui est. Ce qui arrive, simplement, donc, pour finir mon affaire, après ça, on va aller avec tes questions. Il y a ici et le futur, et l'humain part d'ici, et l'humain attend que le roulis roulant attend le déplacement à travers le temps. Mais tu sais, 2000 ans, là, c'est long, on maudit pour quelqu'un qui se déplace en roulis roulant. Bon, alors on attend l'ère nouvelle. À l'époque d'Abraham, ils attendaient l'ère nouvelle. C'était pour bientôt. Bon, 30 000 ans après, ce ne sera pas encore là. Alors, ce qu'il faut, qu'à un moment donné, que tout le monde saisisse la chance, c'est que tout ce temps-là ici, je fais un dessin, c'est beaucoup plus... Ce que j'ai dessiné, c'est plus vrai de la réalité. La réalité est beaucoup plus simple que ça encore. Ça ressemblerait à un truc genre... Bon. Nous sommes, par exemple, ici. Puis si tu veux venir ici, tu fais un petit saut de côté, tu es rendu là. Mais ici, tu te laisses déplacer avec le roulis roulant, c'est peut-être 150 ans. Et si tu veux venir ici, mettons quelques milliers d'années plus loin, bien ton déplacement, puis là, je l'ai fait large, c'est très, très, très collé, tu peux facilement t'en aller. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle, par exemple, de l'île du paradis, etc., elle est toujours, je le répète, à 2 pouces à côté de ton oreille gauche. Pour tout le monde. Mais... Ce sont des illusions. Si on parle de... d'effusion, on parle toujours d'un lieu. Autrement dit, il y a présentement un espace-temps où la conscience est en train d'éclater pour s'exprimer à travers de la forme, on va dire dans la matière. Il y a un lieu où l'espace-temps, un espace-temps, où la conscience formique, dans de la forme, est en train de se sublimer pour devenir de la lumière. Et il y a un autre espace-temps où les gens sont assis dans une salle d'hôtel à écouter un conférencier. Entre l'un, le milieu et l'autre, il y a des déplacements qui sont nécessaires. Les gens devront se déplacer dans la matière et les gens devront surtout se déplacer dans le temps. Mais on se déplace à la vitesse du roulis roulant. Fait que tout le monde se dit, ben écoute, dans 2000 ans, ça va être bien mieux. Hey, j'ai assez hâte pour dans 2000 ans. Ça va prendre 2000 ans pour y aller. Parce que c'est notre vitesse de déplacement à travers le temps. Toute l'évolution est basée sur ce concept-là. Ça veut dire que la mort du corps physique, présentement, toi, il y a un espace-temps où ton corps physique est mort. Il y a un espace-temps où il naît. Toi, là-dedans, tu n'es pas mort. Il y a un espace-temps où ton ego est dans l'astral. Il y a un espace-temps où ton ego est dans le corps. Puis toute la logistique de la compréhension humaine, les cosmogonies, etc., sont basées sur le linéaire du temps. Serais-tu juste de dire que l'espace-temps possède une mémoire du passé, du présent et du futur? Ça dépend au niveau où on veut se placer. Mais du point de vue de l'illusion, non. L'espace-temps, c'est pas une mémoire. Tout ça est là en même temps. Autrement dit, on n'a pas besoin de... Oui, mais la mémoire, s'il y a une mémoire du futur, une mémoire du passé, elle est là. Il s'agit seulement pour qu'elle soit réalité, il faut aller fouiller dedans. Elle est réalité, pas pour toi. C'est comme, par exemple, Québec, est-ce que ça existe? La ville de Québec, est-ce que ça existe? Right. Non. Pas pour toi. Tu peux pas me dire que pour toi, la ville de Québec est une réalité. Présentement. Présentement, c'est pas une réalité. Non. Tu sais, c'est pas une réalité. Faut que tu te déplaces jusqu'à Québec pour que pour toi, Québec devienne une réalité. Pour être dans la ville de Québec. Pour que Québec devienne une réalité. Bon. C'est une réalité mémorielle. Est-ce que l'île d'Avalon existe? Oui. Est-ce que Tu sais c'est quoi l'île de Volant? Bon, on prend un autre exemple. Est-ce que l'Atlantide existe? Oui. Dans la mémoire du passé, elle est là. Est-ce que c'est une réalité? Oui. Bon, est-ce que s'il existe, elle pas existe? Non, mais... Mais ça dépend à quel niveau, là, c'est ça. Ça dépend. Tu sais, culturellement, le Québec existe-tu? Sacrifice, j'ai vécu là un an de temps. Tu sais, ça fait longtemps, mais quand même, tu sais, te dire non, ça n'existe pas. Mais c'est pas une réalité, Québec, pour toi? Tu sais, il faut que tu établisses les bases sur lesquelles tu veux que je réponde. Bon, d'accord. Est-ce que Sydney, en Australie, existe? Tu t'as déjà vécu là des choses que je sais pas de toi. Bon... Oui, ça existe. Mais t'as jamais vécu là. Mais si tout ce que j'ai pas vu ou tout ce que je disais c'est non quoi, à réalité, ça, pourquoi? Je pourrais pas vivre, Daniel, avec ça, la ça, société. Ça n'a rien à voir, ça là. Le gars les autochtones qui vivent en Philippines, ils sont pas au courant que ça existe. Ils vivent bien. Regarde ce que je veux dire, Jacques. Tu dis, le futur, c'est pas une réalité pour toi. Le futur, pour moi, il est réel. Il est incrusté dans la mémoire. Le présent est incrusté dans la mémoire, le passé est incrusté dans la mémoire. Qu'est-ce qui n'est pas une réalité? Qu'est-ce qui n'est pas une réalité? Rien de ce qu'on vient, des trois choses qu'on vient de parler, c'est très réel, aussi réel que ça. C'est aussi faux que ça. Ça, c'est le côté réel, ça, c'est le côté faux. À la même table. Oui, mais elle a deux côtés. Ah, ouais, fiel. Ce qu'il ne faut pas mélanger non plus, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. On parle d'espace-temps. La dimension espace-temps. Ça n'empêche pas que Québec n'est pas une réalité pour toi. Bien, explique ce que tu veux dire parce que ce n'est pas une réalité pour moi. Bon. Tu ne peux pas présentement traverser une rue à Québec. Non, absolument pas, parce que je ne suis pas dans la ville de Québec présentement. Parce que tu n'es pas, parce que Québec n'est pas une réalité pour toi. Dans le moment présent, non. Ni hier, ni demain. Tu es ici présentement, tout le reste n'est pas une réalité pour toi. C'est, tu sais, je veux dire, je te dis pas que tu as tort, mais il faudrait que les bases soient plus... élaboré pour qu'on puisse tous être d'accord ici quand tu l'expliques. Bon, c'est simple. Est-ce qu'hier, il y a un dinosaure qui a traversé une rue dans la ville de Québec, en gueulant? Est-ce qu'il y a un dinosaure hier qui a traversé la ville de Québec? Les chances que ça arrive sont non. Quand tu parles d'hier, tu parles du 14 août 93. 1993. Bon, OK. Est-ce que le dinosaure, est-ce que c'est une réalité, ça, qu'un dinosaure a traversé une rue de la ville de Québec hier? Non. Pourquoi? Parce que je prends une chance en disant non, basé sur la logique qu'on a à notre disposition pour te répondre. Et je serais prêt à gager qu'il n'y a pas eu de dinosaures hier qui ont passé. Mais l'assurance ultime, je ne l'ai pas. Pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que Québec n'est pas une réalité pour toi. Non, Québec, je spécule selon les... On spécule tant que tu voudras. Je spécule selon la logique qui est à ma disposition et je serais prêt à gager avec toi si tu veux. 25 000 $ contre 5 000. Qu'il n'y a pas eu de dinosaure hier qui a traversé le Québec. Qu'il n'y a pas eu de témoins qui ont vu un dinosaure hier, 14 août 1993, traverser la rue. Mais écoute, on parle. Explique-les. Si ma base n'est pas correcte, explique-la, puis on va la regarder. Elle est humaine. Oui. Bon, elle n'est pas correcte pour aller plus haut, mais elle est correcte pour vivre ici. Autrement dit, si tu ne veux pas mourir sur une croix ou en prison, tu dis, il n'y a pas de dinosaures hier qui ont traversé la ville de Québec. Même s'il y en a eu un, même si tout le monde en a vu un, si tu veux avoir la paix, tu dis qu'il n'y en avait pas. Si tout le monde me dit ici qu'ils ont vu un dinosaure hier, Attends un peu, là, je vais lui... Tu vas commencer à te demander si peut-être tu as élaboré d'autres théories. Je ne suis pas attaché à ce que je dis. Sais. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des réalités. La seule réalité réelle, dans l'illusion que tu peux prendre, c'est la salle ici actuellement. Oui. Québec ne peut pas être une réalité. Oui. Ça veut dire que... Okay, c'est pour ça que je te disais, explique les données pour que je puisse... Non, mais on parle de réalité. Ouais. La réalité, OK, oui. Bon, Québec n'est pas une réalité pour toi. Qu'est-ce qui se passe à Québec n'est pas une réalité. Okay. On peut te compter n'importe quoi, puis tu vas le croire en fonction d'un standard d'illusion. S'il y a 25 personnes qui disent avoir vu une soucoupe volante, tous les alcooliques, on va dire c'est faux. Mais si c'est 25, c'est vrai, on va dire c'est vrai. Mais uniquement parce qu'on a décidé au départ qu'un savant avait raison, puis un alcoolique avait tort. Mais la réalité ne change absolument pas au niveau de la réalité. Tu ne sais pas plus ce qui s'est passé à Québec, même s'il y avait 25 000 personnes qui venaient te le dire. Ah, c'est pour ça que je te dis, si 25 personnes viennent me dire... Tu ne sauras pas plus ce qui s'est passé à Québec. Non, mais... Non, mais nos standards vont dire... Juste deux, 25 là, qui me disent, je l'ai vu, là. Non, c'est ça. Un menteur, c'est faux. 25 menteurs, ça doit être vrai. L'humain fonctionne comme ça. D'ailleurs, même en cours, si j'ai plus de témoins que toi, je gagne. Vérité, pas vérité, c'est une question de quantité de témoins. OK. Il y a un gars qui a écrit un chapitre dans la Bible, on le croit. Oui. Il y en a 25 qui vont écrire des livres bizarres aujourd'hui, mais ils ne croiront pas. Mais il y en a qui écrivent. Il y a des standards. Si ça vient du passé, c'est vrai. Pour l'humain. C'est plus facile. Mais c'est comme qu'on parlait tantôt, c'est ce que je voulais dire quand j'ai mentionné que là, on quitte l'air du poisson. On entre dans l'âme du verso. L'humain doit comprendre que tout ce qui fait partie de ce que l'humain recherche est juste là à côté de toi. Oui. C'est pas en avant, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 25 ans, c'est à côté. Absolument. Sauf que tant qu'on reste à travers la même mécanique, tant qu'on reste dans le même chemin, tant qu'on garde les mêmes concepts pour voir les choses, autrement dit, tant qu'on sert des mêmes instruments pour voir le monde, on devra nécessairement prendre peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. On va continuellement perdre des corps physiques, reprendre des corps physiques. On aura continuellement l'obligation de vivre dans des contextes prédatoriaux comme le contexte terrestre actuellement, où les gens doivent quasiment plus ou moins s'entretuer pour arriver à vivre, uniquement parce qu'on se sert d'outils qui ne peuvent pas voir le monde et on se sert de concepts pour définir le monde, des concepts qui sont faux. Ce que tu dis, c'est réel. Alors maintenant, c'est bon d'aborder des concepts qui sont plus vrais. Mais je pense qu'il faut additionner que tant et aussi longtemps que l'homme, ou que si on prend l'exemple que tu as pris souvent en conférence, l'éléphant que tu attaches avec une petite corde lorsqu'il est bébé, il tourne autour de la corde, puis il brisera pas la corde parce qu'il n'est pas capable. Une chaîne. Après ça, ben, éventuellement, tu peux même l'attacher avec une ficelle, je pense que tu disais, ou peut-être un petit peu plus gros, puis il ne s'en ira pas. OK? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas? C'est facile. C'est la même chose pour l'éléphant que ce que tu viens de dire. Mais entre ses deux oreilles, à l'éléphant, il ne peut pas savoir. S'il savait qu'il pouvait y aller, il y irait. La réalité de l'éléphant, c'est qu'il ne peut pas s'en aller. C'est ça. Et moi, ce que je dis à l'éléphant, c'est que ta réalité est fausse. Oui, tu as raison. Et toutes les réalités du monde sont vraies. Oui. Alors, change donc de réalité. Oui. Ça va nécessairement changer d'illusion. Oui. Tu vas pouvoir t'en aller. Mais la journée que tu vas faire comprendre ça à un éléphant, je vais baisser mon chapeau. Tu peux mettre pour mettre un chapeau. Oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais l'humain, c'est des éléphants. Oui, exactement. Mais l'homme, il faut qu'il ait le taux vibratoire suffisamment haut pour faire le petit saut qui va y sauver son 150 ans. Ton torieux taux vibratoire. T'as appris c'est ça, ces deux mots-là? C'est la réalité. C'est très bon de le dire. Là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Il faut le dire, le répéter. Mais ça va se produire seulement quand l'homme va avoir le taux vibratoire suffisamment haut pour le faire. Alors, comment il fait pour monter son taux vibratoire? En faisant des conférences comme ça. Parce que je peux l'expliquer. OK. C'est vrai qu'il faut avoir le taux vibratoire suffisamment haut pour être capable de se dissocier des contextes, mais c'est vrai aussi qu'il faut que tu aies l'information que ce que tu vis est une vraie farce pour être capable, le moment venu, de te dissocier. Il y a des gens qui ont le taux vibratoire suffisamment élevé qui ne font rien. Ils ne l'ont pas suffisamment haut, parce que s'il était suffisamment haut, ça se ferait automatiquement. c'est que c'est vraiment faux ce que tu dis là. Faussement vrai. Ils ont le taux vibratoire suffisamment élevé pour bouger, mais ils n'ont pas le taux vibratoire suffisamment élevé pour se rendre compte qu'ils l'ont suffisamment élevé pour être capable de bouger. Okay. Le taux vibratoire, c'est une multitude de... Lorsqu'on parle d'un taux vibratoire, on parle d'une multitude de points. Alors, il y a une partie qui peut être suffisamment élevée, mais il y a une autre partie qui n'est pas assez haute. Mais quand je parle de taux vibratoire suffisamment élevé, je parle de l'ensemble qui est, si tu veux, une certaine enlignement, une certaine fusion des différents facettes du taux vibratoire pour faire le... Maintenant, il y a des façons. Oui. Tu as raison. Le taux vibratoire... Du moment que l'humain est capable d'accepter de souffrir d'une souffrance qui ne fait pas mal, il va augmenter son taux vibratoire d'une façon exponentielle rapidement. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, ce que tu viens de dire. Très intéressant. Ah, mais tiens, non. Rattaché à celle-là? Ah, oh, oui, on va en prendre plein. Ah, c'est... Je sais que c'est... Mais c'est ça, quand même. C'est... Parce qu'il y a... C'est bon. Ah, c'est bien. T'as oublié que j'étais? Non, c'est... Mais c'est... Ça sera probablement la clé qui réglerait les différends qu'on a eus sur ce point-là. C'est la clé de... C'est simple, c'est que l'humain est présentement ici, puis l'humain veut s'en aller là-bas. Les deux mondes sont juxtaposés, et pour l'humain, il doit, pour aller à l'autre monde, il devra se déplacer dans la matière un petit peu, se déplacer dans le temps d'une façon phénoménale. Donc, il devra attendre des années et des années. Ce que je veux dire, quand on dit, par exemple, si c'est pas le temps, vous pouvez pas. C'est évident. Si t'es pas dans le bon lieu temporel, ben, il neige pas. C'est simple. Si t'es pas dans le bon lieu temporel, il t'arrivera pas ça. C'est là que ça arrive. L'humain peut, par contre, se déplacer plus rapidement à travers le temps pour aller chercher des événements. Sauf que pour que l'humain puisse faire cette déambulation-là temporelle, il doit avoir la possibilité d'abandonner des choses. Parce que l'humain, vous abandonnez régulièrement, continuellement, n'importe quoi. Vous abandonnez aujourd'hui pour le demain. Vous abandonnez demain pour après-demain. Vous abandonnez des journées, des pluies, des soleils, des plages, des vacances. Vous abandonnez régulièrement. Sauf que l'humain souffre quand il abandonne, parce que l'humain est un être, une créature du temps, du point de vue des principes inférieurs. Donc l'humain va abandonner petit à petit. Autrement dit, l'humain doit expliquer à son ego, et c'est un problème majeur, l'humain doit égoïser, rationaliser, mentaliser, expliquer à son ego des choses pour que l'ego finisse par le libérer énergétiquement, aussi son taux vibratoire, pour que l'humain le fasse. Autrement dit, tu prends le piano pour la première fois de ta vie, tu ne peux pas jouer comme du monde parce que ton ego ne pourrait pas supporter l'incompréhension de la mécanique. L'ego dirait, voyons, mais comment ça se fait? Je ne sais pas jouer. Alors, tu vas te dire, je vais me déplacer juste dans un lieu temporel et spatial où je sais jouer, et je vais y aller en 2 ans. Alors, pendant 2 ans, tu vas niaiser sur ton piano, et au fur et à mesure que tu te rapproches, ben, il y a un lieu temporel, tu joues un petit peu, il y a un lieu temporel, tu joues un petit peu plus. Tu dis, j'apprends à jouer du piano. Ça, c'est raisonnable pour un ego conceptualisé. Une autre personne va dire, oui, pour apprendre à jouer du piano, je dois faire une offrande au dieu Clavius ou Spartacus ou Stradivarius pour pouvoir finir par être capable de jouer. La personne va donc, qu'est-ce que les humains font? Les humains, tout ce qu'ils font, les humains, c'est qu'ils perdent le temps, ils passent le temps, c'est-à-dire, ils se déplacent dans le temps à la vitesse du roulis-roulant jusqu'au moment synchronisé où ils seront là, quand ça va être le temps qu'ils peuvent jouer. Sauf que l'humain peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais ce qui est important de comprendre, donc, les deux mondes sont très loin, on se déplace. Pour certains, le monde est plus près. Ah, on se déplace moins loin. Pour d'autres, c'est plus près, on se déplace moins loin. Puis pour moi, c'est fusionné. C'est-à-dire que c'est des mondes parallèles. Mais un monde parallèle, on peut prendre 2000 ans pour y aller, on peut y aller tout de suite. Ça dépend de la façon dont on veut procéder. L'humain peut et l'humain devrait accepter de s'initier à la souffrance sans douleur, une souffrance réellement non souffrante, mais qui est une souffrance en réalité. L'humain devrait s'initier à supporter l'anticipation de la souffrance. Il n'y aura jamais de souffrance. Mais l'humain va anticiper. Il va y avoir une souffrance chez les êtres insuffisamment conscients qui, eux, ne veulent pas abandonner. Donc, plus les êtres vont résister, plus là, la souffrance va naître. Un exemple, si par exemple, j'ôte ton soulier et on le jette, il y a une anticipation de souffrance égoïque. Alors, pas nécessairement pour toi, je donne un exemple comme ça. J'ôte le soulier, mais tu n'as toujours pas de souffrance. Je le jette au feu, tu n'as toujours pas de souffrance. Mais quelque part là-dedans, tout le temps, on ne veut pas. Alors qu'à un moment donné, ton soulier ne sera plus bon. Là, l'humain va rationaliser en se disant, pour l'ego, oui, mais tu sais, il m'attend au moins qu'il soit usé. Autrement dit, ce que l'humain dit, c'est que ôte-moi-en un petit peu à la fois, un petit morceau des molécules de semelle, donc une usure lente, donc je t'ôte des morceaux de soulier régulièrement, puis à un moment donné, il est rendu à un point où, là maintenant, tu peux abandonner le reste au complet. Sauf que ce n'est pas souffrance, c'est une anticipation. Un exemple, vous dites, mon enfant est rendu à 18 ans, puis il veut quitter la maison. Il n'y a pas de souffrance si les parents ne résistent pas. Mais il y a une anticipation de souffrance qui va être là tant que l'enfant va approcher de l'âge, etc. Puis à un moment donné, c'est fini. Vous allez, par exemple, dire à quelqu'un que vous l'aimez, puis vous ne pouvez pas. Mais il n'y a pas de souffrance là-dedans. Il y a une anticipation de souffrance. Puis si l'humain finit par rencontrer quelqu'un, puis lui dit, écoute, t'es jolie, ou encore, je t'aime, puis on lui dit, la souffrance qui est anticipée, elle n'existe pas. Alors, pour que l'humain puisse transiter d'un monde, le monde qu'il ne veut pas, au monde qu'il recherche, l'humain doit apprendre, au début, on s'initie lentement, ça fait d'ailleurs partie des principes mères de la désinhibition, être capable de souffrir une souffrance qui n'a pas de douleur. Autrement dit, en réalité, tu ne souffres pas, mais quelque part, tu es convaincu que c'est souffrant. Mais il n'y a pas de souffrance là-dedans. Pour que l'humain puisse transiter, c'est ce que l'humain doit faire. Même chose si on regarde au niveau de la mort, tu vas mourir. Tu as toute une anticipation de souffrance, mais quand tu meurs, tu ne souffres pas. Mais il y a une anticipation de souffrance. La vie est beaucoup plus souffrante que la mort. Mais il y a une anticipation de souffrance. Mais l'humain qui résiste pas s'en va, puis il peut contrôler beaucoup mieux que l'humain qui résistait. Parce que l'humain qui résistait, le temps qu'il continue à résister alors qu'il ne peut plus, son roulant, sa planche, elle avance. Ça va, vers le monde astral. Tandis que l'humain qui va se laisser aller quand c'est le temps, c'est l'humain qui a appris. Mais ça, l'humain ne peut pas apprendre. Enfin, il peut, mais comptez pas là-dessus. L'humain, c'est pas le temps en tout cas d'apprendre. Ah, c'est pas le temps de s'initier à la souffrance sans douleur, à sa mort. T'as des chances de ne pas l'avoir fait à temps. Mais c'est mieux de commencer avant. Il y a énormément de... On prend des personnes dans une compagnie, on leur dit, vous allez devoir vous recycler immédiatement souffrance. Mais il n'y a pas de souffrance. Il n'y en a pas de souffrance. Il y a l'anticipation de la souffrance. Tu les retournes à l'école où il y a une personne qui vient faire des séminaires, on leur montre de nouvelles choses. Il n'y a pas de souffrance. Oui, mais je ne sais plus comment prendre des notes. Prends ton mal en patience. Il y a un temps là-bas, tu le sais comment. Fait que, mais dirige-toi vers celui-là. Tu te diriges vers l'autre lieu où ce que tu ne le sais pas plus, tu ne sauras pas plus. Mais la souffrance par anticipation dont tu parles présentement, c'est une souffrance psychologique, ça. Ce n'est même pas une souffrance. Mais c'est même pas le moteur. C'est une souffrance mentale. C'est, si on veut prendre le mot souffrance, c'est réellement que c'est au niveau mental. La psychologie n'aura pas peur de ça. Non, mais tu dis, la personne entend le patron parler, puis dire qu'ils vont le recycler, puis il commence à souffrir. C'est pas une souffrance mentale, ça? Il ne souffre pas. Il n'y a pas de mot exact pour le définir, parce que c'est une souffrance sans douleur, une souffrance sans souffrance. C'est de quoi qu'on dit ici. Il y a une... Énergétiquement, on comprend probablement l'idée, là. Mais la personne ne souffre pas parce qu'il n'y a pas de souffrance. Et parce qu'elle n'a pas les mots, parce qu'elle n'a pas la subtilité pour voir ce qui se passe, elle va en déduire, mais il n'y a pas de souffrance. Il n'y a aucun médicament, il n'y a pas d'anesthésie. Elle ne souffre pas encore. Mais la personne qui va souffrir, qui souffrirait dans ce cas-là... Elle, c'est parce qu'elle elle n'est pas en train de changer. Ça serait de la souffrance psychologique. Oui, mais elle n'est pas en train de changer. Non, elle refuse le changement. Ah, c'est ça. Elle s'attache. Ouais. Elle va pas à l'école. Elle peut pas souffrir sans souffrir, sans douleur. Non, elle souffre, mais elle ne peut pas transiter non plus. C'est ça. Sauf que la personne qui est en train de transiter ou qui peut transiter... comme, par exemple, je demanderais... On demande à une personne ici de se lever debout sur sa chaise, puis de chanter. Bon. Si je choisis une personne au hasard, déjà, il y a une anticipation de souffrance. Mais il n'y a pas de souffrance. Et si on dit à quelqu'un, bon, toi, par exemple, tu te lèves debout et tu nous chantes Frère Jacques. Mais elle, comme si elle courait après la souffrance pour se donner une raison de ne pas le faire. Mais si elle se lève, pas de souffrance, si elle se met à chanter, il n'y a pas de souffrance, quand elle a fini à se rasseoir, il n'y a toujours pas de souffrance. Il n'y a pas eu de souffrance. Par contre, 99% des gens ne le feront pas, prétextant juste un paquet de choses pour camoufler cette souffrance sans douleur. Traverser de l'air actuel à une autre ère, à une ère nouvelle, pas l'ère du Verseau, à une autre ère, à l'ère nouvelle, les individus doivent implicitement être capables de supporter cette souffrance sans douleur. Autrement dit, ils doivent être capables de traverser au-delà de l'illusion de la souffrance. Ce n'est pas souffrant. Évoluer, c'est souffrant. L'évolution est une adaptation. L'adaptation veut dire que tu as tout fait pour ne pas changer, mais tu as changé quand même. C'est-tu Paul qui est tombé en bas de son cheval, qui a été terrassé par la lumière? C'est Paul, hein? Il a souffert, lui. Mais c'est sûr que souffert, Paul. Paul n'a pas voulu changer, puis Paul n'a pas changé non plus. C'est très, très, très différent. Moi, je parle de l'avenir, là. Et aurais-tu pu, à ce moment-là... Il y avait un taux vibratoire trop bas. Regarde ce que je veux dire, moi, partout. Parce qu'on s'entend sur le phénomène, c'est évident. Tu as un taux vibratoire qui te permet certaines choses, puis à partir d'une certaine région, tu peux monter plus haut. Et ici, tu peux, à partir de ce taux vibratoire-là, plusieurs ici ont atteint un taux vibratoire où ils peuvent changer tout de suite de canal. Mais la majorité des humains vont attendre d'avoir un taux vibratoire qui va les amener là. Donc, de ce fait, tu as raison. Mais on peut actuellement... Il y a suffisamment d'énergie de disponible pour qu'un individu qui comprend certaines mécaniques et qui applique certaines mécaniques puisse changer beaucoup plus rapidement que de se déplacer dans le temps jusqu'à temps que je sois rendu là. Il y a autant de futurs possibles qu'il y a de lieux spatiaux. Et quand je parle de lieux spatiaux, je ne parle pas juste de la planète Terre, là. Je parle au niveau de la création. Autrement dit, tu t'en vas là-bas. Mais tu peux très bien dévier de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 90 degrés. Tu peux très bien t'en aller vers l'arrière, ou vers le haut, ou vers le bas, dans la matière. L'humain qui se promène en avion, il s'en va sur une ligne droite. Mais il peut très bien aller n'importe où. Dans le temps, c'est la même chose. La provenance de l'homme qui est capable de faire ce que tu viens de décrire est où dans le cosmos? Présentement, il y a un corps physique, là, mais elle est où exactement dans le cosmos? Au niveau des Melchizedek, à quel niveau? Non, c'est la même provenance que tous les humains. Alors, peux-tu dire que quelqu'un qui vient de la basse astrale, qui est venu au monde de 34 ans, de très basse astrale, peut faire ça aujourd'hui? Pas dans le lieu spatial actuel, non. Bon, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce que tu décris, j'achète ça en autant que la personne a une très vieille âme, vient d'un niveau vibratoire très avancé, très évolué. Ce qui est dommage dans ton discours, c'est que tu n'as pas tort, mais ça ne sert pas mon discours. Je sais que ça ne sert pas ton discours, mais je suis obligé de le dire, Daniel, parce que c'est ce qui est là. Alors, je vais rajouter des éléments à ton ami. c'est toi, ça. Cosmiquement. Ici, c'est Jacques Dussault. Ici, 300 ans avant JD. Bon. Disons que tu as des noms originaux en t'en allant. Tu as d'autres noms ici. Puis, bon. Ici, on l'écrit différemment. Bon. Ton âme, Jacques, n'est pas vieille en fonction du nombre de temps qu'elle est sur la planète Terre, pour la simple raison que ton âme est actuellement partout présente sur la planète Terre, dans chacune des époques qui te concernent. Tu vis ici, ici, ici, ici, et tous ces endroits-là en même temps actuellement aujourd'hui. Maintenant, il y a des canaux qu'on appelle un canal réincarnationnel, ce sont des canaux astro, qui relient le bonhomme qui est ici, qui était un homme de Cro-Magnon, à ce bonhomme-là, à ce bonhomme-là, à ce bonhomme-là, aujourd'hui qui est ici, et aux autres en avant. L'information du futur étant tellement subtile que ta génétique factuelle plus tout le contexte planétaire t'interdisent à peu près de décoder les messages provenant de l'avenir. Un petit peu des fois, il y a une voix qui vient te parler, te dire de pas faire telle connerie. Ça, c'est toi de l'avenir là, qui regarde le scénario et qui vient te dire « Écoute, fais-le pas. » Tu ne l'écoutes pas, évidemment. Bon. Tu as, par contre, la capacité de décoder les messages plus épais, donc moins, plus denses, qui proviennent du passé. Et pour l'humain qui ne comprend pas ce que c'est que le temps, il va en déduire que c'est sa mémoire. Donc, il va dire, je me rappelle, ou bien je suis la réincarnation de, s'il considère que c'est dans la vie d'un autre corps physique. Une vieille âme, c'est une illusion. Il n'y a pas de vieille âme. Nous sommes dans le temps présent là. Bon, les véhicules physiques sont différents partout dans le temps. Alors, effectivement, dépendamment de la génétique, du véhicule physique ou des véhicules qui sont antérieurs, ou de la qualité des communications à travers le canal qui est ici et avec l'avenir, là, ça va faire en sorte que l'individu va être totalement différent. Tous ceux qui ont eu la possibilité de faire des choses phénoménales dans ce qu'on appelle le passé, ce sont des individus qui ont toujours été en contact avec leur avenir. Donc, ils avaient la capacité d'avoir un taux vibratoire beaucoup plus haut parce qu'ils recevaient de l'énergie, de l'information. Ils avaient accès à l'esprit où ils allaient voir leur avenir. Ils avaient accès à l'intelligence où ils allaient voir leur avenir. Oui. Leur véhicule était suffisamment solide pour l'accepter. Je vais reposer ma question d'une autre façon. Je vais prendre un autre avenue. Les personnes que tu as décrites tantôt qui faisaient qu'est-ce que c'est qui était possible de faire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une déprogrammation totale des astres? Oui. OK. Mais une personne qui vient sur la planète et que dans cette vie-ci se déprogramme dans totalement... Dans ce lieu temporel-ci. Bon, il faut changer tous les mots. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le lieu temporel présentement... qui vit cette vie-là, qui est déprogrammé astrologiquement, complètement, avait un taux vibratoire très élevé pour nous sur la planète. Oui. Bon. C'est ce que je voulais, la question, quand je te parlais de vieilles âmes, il y avait de l'expérience en arrivant sur la planète. Maintenant... Non. Expérience cosmique. Est-ce que c'est important que vous compreniez tous? Fait que c'est bon qu'on... Quand je parle d'expérience cosmique, là, c'est pas de l'expérience... C'est... Disons que c'est... La conscience qu'il a, c'est pas de l'expérience. La conscience, c'est ça. Plus près de la lumière... Non, que... plus près de l'instantané. L'instantanéité, c'est de la lumière. OK. Alors, s'il est près de l'instantanéité, ça veut dire qu'il est capable, immédiatement, dans n'importe quel des véhicules, des lieux temporels, de savoir qu'il est de l'avenir, qu'il est du passé, qu'il est ici. Absolument. Parce que le passé et le futur, le présent, devient plus instantané. Donc, il n'y a pas plus d'expérience. Pour l'humain, il va dire qu'il y a plus d'expérience, parce qu'il sait de son passé et il sait de son futur. Mais à un niveau, c'est pourquoi je dis ton langage est correct. Bon, à un autre niveau, le mien est correct aussi. Puis c'est sûr que si on veut, si je prétends que mon langage est au niveau du tien, on va s'obstiner. L'inverse serait vrai, mais si on les met chacun à sa place, ça va bien. Il y a une chose est sûre, c'est qu'un individu qui prend un corps physique, qui a une génétique pour faire ce que tu dis... Ma mère n'est pas d'accord avec ce que tu dis, la génétique. L'âme qui prend possession d'un corps qui a une génétique très avancée pour faire les choses que tu dis, c'est pas n'importe quelle âme qui peut vibratoirement entrer dans ce corps-là. Le mot âme aussi est un mot à changer, parce que c'est pas de l'âme, c'est l'intelligence qui prend le corps. Ah, mais là, c'est pas de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui est en arrière de l'âme. C'est l'intelligence qui est la force motrice de l'âme. Mais ce n'est pas la vieille âme qui va faire la chose, c'est la pureté de l'âme. La pureté de l'âme, OK. Bon, je suis d'accord, pureté de l'âme, c'est mieux que vieille âme. Mais, oui. OK. Bon, OK. On a parlé de ça. Maintenant, si on revenait, si on parle de l'esprit qui contient les trois principes dont je parlais, amour, intelligence et volonté, qui n'est pas exprimé parce qu'il n'y a pas de forme. OK, l'esprit contient... Que tu n'étais pas d'accord, là, okay, mais non, que disons contient, que... L'esprit contient trois principes, effectivement. C'est un conciliabule tripartite. Ça contient le savoir, ça contient la volonté, ça contient la créativité. Ça, c'est l'esprit. OK. Parce qu'en haut, on va retrouver effectivement l'amour. Mais l'esprit, c'est le phénomène supramental, puis il contient trois mécaniques qui sont... Ce que je veux dire, c'est pas ça. OK. Toi, tu veux parler, toi... Moi, je parle... Je veux... Le plan de l'intentionnalité, qu'on peut appeler le plan divin, le plan de l'amour instantané, qu'on appelle aussi amour gratuit, et de l'intelligence instantanée, qui est le plan supramental. Oui, qui n'est pas nécessairement manifesté. Non. Qui c'est pour ça, faut juste dans lequel là. On baigne là-dedans. Comme je t'ai dit tantôt, les trois principes, source première, source deuxième, source troisième, qui ont fait de la triunification en passant par le mot très spirituel qui est l'île du paradis, puis on baigne dans cette énergie-là. Oui. On n'est pas d'accord sur la question de la manifestation au niveau de la forme. Non, on est d'accord. Moi, c'est que dans une certaine vision, la forme va dire, pour que l'esprit ou pour que l'intentionnalité, etc., s'exprime, il lui faut une forme. Mais si tu sors de la forme, ça va à l'extérieur, tu te rends compte que c'est faux, c'est que la forme a besoin que l'esprit soit exprimé dans la forme pour que la forme puisse l'avoir. Oui. Oui. Mais l'esprit reste là, mais la forme ne le sait pas. Est-ce qu'un Melchisedec, c'est une forme? Oui. C'est une forme. Un ange, c'est une forme. Ou un concept. OK. Mais le concept devient une forme. Une pensée, c'est une forme. Non, mais à ce niveau-là, c'est une forme. Une pensée, c'est une forme. Un ange, c'est une forme. Donc, les mots, c'est une forme. Fait que là, tout ce que ça veut dire, c'est une forme. C'était pas ce niveau-là que je voulais l'emmener, je ne sais pas. OK. Dans le cosmos, ou sur la planète Terre, ou autour de la planète Terre, on baigne dans cette énergie triunifiée. Les formes, d'autres formes, manifeste cette intelligence. Pas physiquement. Ça prend un corps physique pour la manifester physiquement. En d'autres mots, ça prend, pour remanifester la lumière en son, ça prend un corps physique, habituellement. Il est possible que ça se fasse sans corps physique, mais les lois de l'humanité sur la planète Terre ne le permettent pas présentement. Mais c'est possible, ça c'est fait. C'est possible. OK. Actuellement, dans ce lieu temporel... Dans ce lieu temporel, oui. Un lieu, c'est la matière. Dans ce lieu temporel, on ne peut pas le faire. Oui. La loi ne permet pas de le faire. Ici, mais non. Ça se ferait. Ça se fait ailleurs. Oui. Ou ça pourrait se faire ici aussi. Mais ça ne se fait pas pour protéger l'âme. Ça ne peut pas se faire ici. Ça ne peut pas se faire pour protéger... On va se déplacer, okay. Puis ça va se faire là. OK. D'accord. Bon. Puis ça paraît compliqué. Je ne complique pas. Il faut absolument qu'on finisse graduellement... Par être capable de comprendre, de penser, en laissant tomber les vieilles superstitions, les vieilles spiritualités, pour de nouvelles. Bon, vous ne comprendrez pas tout du premier coup, mais donc ça va être finalement de nouvelles superstitions plus adaptées, de nouvelles illusions, de nouvelles spiritualités. Mais on doit de plus en plus apprendre à reformer notre pensée, reformuler la pensée. Comme longtemps, par exemple, on va dire la Terre est au centre de l'univers, les astres autour. Un jour, moi, je vais dire, oui, mais c'est... Non, quand la Terre tourne autour du Soleil, ben, écoute, le Soleil tourne autour, que la Terre tourne autour, là, tu sais, c'est un jeu de mots. C'est bon d'apprendre à ajuster, même si sur le moment, il semble que ça ne dérange rien que tu le dises à ta façon, que je le dise à ma façon, mais il va venir à un moment donné où ça va déranger en maudit qu'on le dise encore de la vieille façon, pour nous permettre de comprendre d'une façon plus vaste. Comme par exemple, c'est un cercle, les planètes ont une orbite circulaire. C'est elliptique. On n'a rien à foutre. Ça dépend, d'un moment donné, on n'a rien à foutre. Mais c'est bon qu'on apprenne à parler. C'est pour ça que petit aparté. Puis c'est pour ça que j'essaie toujours qu'on soit d'accord pour que je puisse poser mes questions. Puis quand que je fais un exposé, puis on n'est pas d'accord, la question dont je voulais poser, je ne peux pas la poser. Mais un jour, c'est-à-dire c'est bon de que temps en temps, quand on est. Oui, c'est ça. Pour qu'on se dirige puis, vers la compréhension. Tu rectifies, j'achète ce que tu dis. Impeccable. Fait que là, après ça, je continue. C'est pour eux autres, c'est ça. Alors. OK. La forme. Les formes non matérielles protègent l'homme. OK. Absorbe cette énergie-là, il la manifeste d'une certaine façon, l'homme en est protégé. Protégé, c'est un grand mot. OK, d'accord. Si protégé est un grand mot, je dans certains cas, c'est protégé, dans d'autres cas, c'est le contraire de protégé. Oui, puis la majorité des cas, il n'y a rien à cirer, mais ça donne que c'est intéressant. Bon, OK. Alors, l'intervention que certaines de ces formes-là font... Pardon? Nomme-moi une de ces formes-là. Oh, OK. Ben, ça va, ouais. Là, tu m'embêtes. Parce que c'est. On peut pas. Ouais. Une forme melchisédienne, disons, on va prendre une forme positive pour l'homme qui est positif, OK? Qui manifeste cette. L'énergie pour quelque chose sur la planète. C'est-à-dire pas sur la planète, mais pour l'homme. Là, tu m'as embêté en maudit avec ton affaire. Je pense. C'est pas tout à fait ce chemin-là que je voulais prendre parce que c'est pas tout à fait correct. On pourra revenir peut-être à une forme Melchizedek tantôt. Mais d'autres formes absorbent l'énergie et la retransmettent à l'homme. La prédigère. C'est comme un transformateur. Prend une décharge électrique d'une certaine force. La prédigère, après ça, l'humain est capable de l'assimiler. C'est ça. Mais prédigérer, évidemment, c'est très, très, très déformé. Mais c'est assimilable par l'humain, sinon l'humain, il n'y a pas accès. OK. Quand on parle d'ajusteurs de pensée, de double éthérique, de ainsi de suite, c'est ce qui se produit. Oui. On absorbe l'énergie. Double éthérique, mon choix, il est au complet de l'affaire. L'ajusteur de pensée, il le réajuste pour que l'ego ne vive pas une trop grosse crise. C'est ça, puis il l'envoie. Quelle relation y a-t-il dans cette programmation-là? Et puis, le fait qu'on conserve le corps vital proche du corps physique, d'où j'avais débuté la conférence. Ça, c'est une question. C'est pour ça que j'avais commencé par la mort pour arriver avec... Ça, c'est une première question. Bon, il faut comprendre qu'à l'instant où l'humain commence à avoir de la conscience, commence son chemin de conscientisation, tant que... L'humain qui est en voie de conscientisation ne veut pas quitter le corps physique ne meurt pas. C'est une des relations qu'il va y avoir. OK. Mais lorsqu'il n'est pas dans un chemin de conscientisation, s'il n'est pas dans un chemin de conscientisation, ça s'est passé de 40 ans, de 50 ans. Oui, c'est un autre phénomène qui n'a rien à voir avec l'ajusteur de pensée ou avec la conscience, qui fait en sorte de préserver l'intégrité des formes humaines. Pour qu'il reste la race humaine. C'est un autre mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une forme, deux ou trois possiblement formes qui agissent comme filtre avant que l'homme puisse... c'est-à-dire pour arriver au niveau que l'homme peut capter. Oui, il y a des êtres humains qui peuvent mourir. Ça, c'est un phénomène qui appartient à ce lieu temporel. Il y a des individus qui peuvent mourir... Même s'ils sont bons, même s'ils sont intelligents, même s'ils sont, etc., c'est pas grave. Sur 20 000 individus, mettons 18 000 vont mourir, 2 000 sont immortels, tant qu'ils n'auront pas été remplacés, donc c'est une immortalité temporaire. Et les 2000 qui sont immortels ne sont pas des êtres exceptionnels. Ça n'a rien à voir. On conserve 2000 corps physiques sur 20 000 corps physiques. À un moment donné, à travers les 20 000 personnes qui sont là, il y a certaines génétiques qui sont très bonnes, mais qui, à un moment donné, commencent à être dynamisées par le contact, donc utilisées par l'intelligence. Ces génétiques-là qui sont utilisées par l'intelligence vont grossir le rang de ceux qui sont immortels, temporairement. Alors, on a besoin de 2000, mais subitement, il y en a 2003. Il y en a trois qui se sont rajoutés. Mais ces trois personnes-là sont immortelles tant qu'ils veulent rester dans leur corps. Celles-ci sont immortelles, il n'y a rien à faire. Ils vont se suicider une balle en pleine face, ils vont se retrouver à l'hôpital pareil, ils vont être vivants, ils vont tirer dans leur bouche, ils vont être vivants encore, ils ne meurent pas. J'aime pas le mot immortel parce que... Mais non, mais enfin, c'est... Il me semble qu'à chaque fois que tu dis immortel, je le prends comme immortel, mais c'est pas ça que tu veux dire. Ils ne sont pas mortels, en tout cas. Mais non, je comprends si tu... Ils sont en sursis. Ouais, c'est ça, l'astralisa à l'œil, ils sont en sursis. Ouais, en sursis, quelque chose comme ça. Ben, c'est sûr que c'est le mot le plus juste, là, mais c'est que tu ne peux pas les tuer. Tu n'arriveras pas à les tuer. Ah, c'est ça. Ils ne pourront pas se tuer non plus. Ils sont intuables. C'est ça. Pour l'instant. Mais, pour l'instant, donc c'est comme immortel, pour l'instant. Tu vois, la problématique, là? Alors, parmi les génétiques, et c'est pourquoi il faut comprendre que il n'y a pas de justice telle que nous aimerions l'appliquer. Un tueur peut vivre jusqu'à 120 ans, puis une bonne personne peut mourir à l'âge de 15 ans, à 25 ans, 30 ans. Si, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'aurais aimé à ce qu'on arrive, Daniel, voir, essayer de voir qu'est-ce que c'est qui gère, qu'est-ce que c'est qui permet à ces femmes-là de permettre à ce que certains corps physiques c'est vivent. C'est pas permis. C'est pas dans le mot mais permettre. Que ça se produise. Parce que c'est que une personne meurt, t'atteins un seuil critique au niveau vital, puis l'autre personne ne meurt pas. Okay. Alors, si tu veux être l'élu, là, faut que tu sois synchronisé. Faut qu'il y en ait eu juste assez de morts. Là, tu vas être l'élu. Puis, du moment que ça revient au monde, etc., l'élu peut décoller à un moment donné. C'est plus l'élu. Je parle des personnes qui sont en sursis. Alors, ça se passe mécaniquement. C'est mécaniquement selon... et ça n'a rien à voir avec aucune des valeurs émotives, psychologiques ou quoi que ce soit qu'on va apporter à l'humain. Non. Ça ne regarde pas l'humain de ce côté-là. C'est réellement un phénomène qui n'est pas aléatoire en ce sens, c'est mathématique. Quand on atteint un seuil critique au niveau du stress vital, c'est conservé. Puis l'autre, et là, celui qui suit peut s'en aller. Jusqu'à un autre seuil critique où on le conserve. Ça n'a rien à voir avec la nature de l'individu. OK. Ceci étant dit, là, nous, on utilise la même énergie, c'est-à-dire certaines personnes sont capables d'utiliser la même énergie que ces formes-là sont capables d'utiliser. Non, ce n'est pas la même mécanique. La mécanique peut être différente? Oui. Il y a tu décides que tu restes et tu vas rester, régénérer le corps. Par exemple, une personne qui est dans le coma, qui aurait dû mourir, reste dans le coma. Ou une personne qui est âgée, qui est malade, il y a un paquet d'opérations, il y a quasiment tout ce qu'il fallait pour vivre. Plus de pancréas, plus de rate, la moitié d'un poumon, et patati patata. Elle vit encore. Sauf que l'individu qui, à un moment donné, a suffisamment de conscience pour être capable de décider de rester dans le corps physique, va aussi restructurer le corps physique en cas de problématique, ce que l'autre ne peut pas faire. La mécanique devient différente, et je ne parle pas d'une personne qui contrôle tout, puis qui voit tout, puis qui sait tout, là. Je fais ça, mettons, c'est comme un exemple, toi. Bon, à un moment donné, tu serais frappé par une automobile, tu te ramasses à terre dans la rue, tu sens que ton corps va te laisser partir, puis toi, tu ne veux pas partir. Pas par peur de la mort, pas parce que c'est bien différent. Puis à un moment donné, tu vas voir qu'il y a une hémorragie, par exemple, à telle place, puis tu vas savoir quoi faire pour l'arrêter. Tu vas savoir, et ça va fonctionner. Puis là, tu vas te restructurer jusqu'à temps que tu considères égoïquement que tu ne peux pas faire plus. Alors que tu aurais pu même aller jusqu'à te rajeunir par l'occasion même. Mais nos égos vont dire, écoute, là, c'est fait, là. Ça, c'est le miracle, là. Relax. Tu vas paniquer, tu vas capoter. Dépendamment du taux vibratoire. Exact. Lorsque ça se produit, OK, là, on parle, je pense, de filtres qui sont plus hauts en vibration. L'humain a la possibilité d'entrer en contact rendu à un certain moment donné avec plus d'instantanéité ou il va entrer en contact avec L'énergie plus pure. Une focalisation temporelle, plus pure parce qu'elle viendra de l'avenir. Puis l'avenir peut être tellement loin que ça va nous donner l'impression, nous autres, que c'est le présent. Vois-tu, le phénomène du temps, là, disons que toi, par exemple, tu entres en contact avec une énergie incorporelle, qui n'a pas de corps physique, qui n'a pas de corps. Donc, une énergie qui est incorporelle, qui semble venir du fin fond de la galaxie, puis qui vient te rejoindre, puis qui, par exemple, te guérit de ton accident, répare ton corps physique. Toi, tu n'auras pas l'impression d'être entré en contact avec toi dans l'avenir. Tu auras l'impression d'être entré en contact avec quelqu'un qui reste loin. Mais ça peut très bien être toi, tel que tu es toi, incorporel, dans le lieu en question que tu considères actuellement comme étant loin. Et toi, dans l'avenir, ton déplacement transtemporel devient facile. Mais toi qui es le réceptacle, tu auras l'impression que ça vient de loin, loin. Tu peux même pas situer où. Alors là, on va parler du centre source, par exemple. On peut, tu sais. Tu peux dire, ça vient du centre source, ça vient du centre de la galaxie, ça vient de mon... Tu peux trouver ce que tu voudras. Et c'est toi qui probablement est venu, ou une chose certaine, c'est quelque chose de l'avenir. Mais si quelqu'un pouvait dire ça vient du centre source, s'il est capable. C'est la théorie, là, je parle. Ouais, mais si c'était réel, il saurait exactement la source que ça a. Ça dépend encore de la nature vibratoire de l'individu qui va recevoir. Parce qu'il peut se faire jouer des tours, là aussi. Tout ce qui. Il n'y a rien de pur. Présentement, là, tu es ce qu'il y a de plus pur sur la planète. Avec un ego. Il est tout content, même pas tout de suite. Je vais t'expliquer. Plus pur que toi, ça se peut pas. Oublie pas que les cassettes s'en vont dans le public. Non, mais plus pur que toi, dans ton monde, ça vient nécessairement du futur. Et plus impur que toi dans ton monde, ça vient nécessairement du passé. Quand vous contactez une énergie plus pure, elle vient de l'avenir. Ben, elle est transformée en instantanéité. On l'adapte au continuum dans lequel elle va s'implanter, mais c'est nécessairement de l'avenir. Dans un autre lieu, l'avenir. Est-ce qu'on dit Québec, c'est l'avenir? On ne dit pas ça. Pourquoi on ne dit pas ça? Uniquement parce qu'on a l'impression que... Si vous êtes à Montréal, vous allez vers Québec. Québec, c'est l'avenir. Les gens vont dire, non, demain, c'est l'avenir. Et si tu arrives à Québec, demain, Québec, c'est l'avenir. Pas plus. Pourtant, Québec, tu sais, l'avenir, si l'avenir, c'est vrai pour le temps, c'est vrai pour le lieu. C'est le même continuum. C'est un continuum spatio-temporel. C'est la même chose. C'est pourquoi, dans la conscience humaine, hybride actuellement entre l'intelligence et l'astral, dans la conscience hybride humaine, on doit développer un langage de plus en plus juste, pour être capable de communiquer de plus en plus près de la réalité vers laquelle l'individu se dirige, autant au niveau temporel que matériel. Donc, je ne peux pas, demain n'est pas de la, c'est réellement un autre lieu. Mais présentement, mon vaisseau se déplace à une vitesse, et selon les chronomètres que j'utilise, pour être demain à la même heure, ça va me prendre 24 heures, selon mon chronomètre. Si je prends un chronomètre terrestre, ça va être 23 heures, 56 minutes, 4 secondes. Bon, mais nous, on arrondit à 24 heures. Dépendamment de comment l'humain voit les choses, il aura la capacité d'utiliser des mécaniques. Si tu ne comprends pas très bien comment fonctionne, par exemple, une automobile, tu ne reculeras jamais avec elle, ou tu ne t'en serviras jamais pour traîner une remorque, ou tu ne t'en serviras pas comme abri paratonnerre en cas d'un orage électrique, ou il y a plusieurs choses que tu ne feras pas avec elle. Alors que si tu comprends la mécanique dans laquelle tu te trouves, tu peux l'utiliser. L'être humain est dans une mécanique où la matière est élastique, où le temps est élastique, où les choses sont définies l'une par rapport à l'autre. Et l'humain doit de plus en plus dans, pas son langage de salon, le langage intellectuel, le langage snob. L'humain doit être capable d'utiliser dans son langage spirituel, on va dire, de plus en plus des mots qui sont extra-spirituels, à l'extérieur de la spiritualité. Comme par exemple, c'est tout à fait plausible qu'un humain spirituel parle du cosmos, alors que le cosmos est un terme scientifique. C'est normal que l'humain spirituel parle de l'énergie, alors que l'énergie est un terme scientifique. Déjà, l'humain va améliorer sa spiritualité en parlant d'énergie. Bon. Plus l'humain, dans ses conceptions, va utiliser des mots qui vont être plus justes, plus près de la réalité, plus il va se diriger et plus il va s'ouvrir de portes. Il faut déspiritualiser la spiritualité. Oui. Et on pourrait dire spiritualiser la science. Mais en réalité, évidemment, c'est de sortir de ça, c'est humaniser les phénomènes. Ou scientifiser la spiritualité. On dit.